Ceci est une lecture d'Anouk pour audiocité.net sous licence art libre. Birdman, correspondance ratée, texte publié sur inlibroveritas.net sous licence Creative Commons by. Musique extraite de la valse opus 83 numéro 1 d'Auguste Durand, interprétée par Marcus Stab au piano. Disponible sur musopen.org sous licence Creative Commons by. Lettre écrite le 5 mai 1984. Non envoyée. Mon amour, je ne peux plus taire ce sentiment qui me hante. Lorsque chaque matin je t'aperçois, à l'entrée du lycée, toute de jeans vêtue, véritable icône de mode avec ton bandana rouge, tes converses roses et, suprême délicatesse, les mêmes mitaines en dentelle que Madonna dans son clip Like a Virgin, je sais au plus profond de moi que tu es la femme de ma vie. Too shy, shy, words don't come easy. Les cassettes qui tournent en boucle dans mon Walkman auto-reverse me rappellent combien il m'est difficile de te faire cette confession, alors même que tu sors avec Marc, mon meilleur ami. Samedi dernier, tu me reprochais l'attitude cynique qui est devenue ma marque de fabrique. Ne peux-tu voir que derrière cette façade désabusée, derrière mes coups de folie aux tendances parfois suicidaires, il m'arrive de fumer deux cigarettes coup sur coup au bar du lycée ou de faire trois fois le tour du quartier plein gaz aux manettes de ma 103 SP, se cache le désespoir d'un homme qui, à l'aube de sa vie d'adulte, fait le constat amer qu'il ne pourra peut-être jamais aimer? Je suis fou de toi. Je te veux pour moi. Je ne peux plus supporter que tu sois à un autre. Il faut maintenant que tu choisisses. Jeudi prochain, je t'attendrai, après l'étude, à la table située près du flipper. J'aurai commandé deux Pepsi Cola. Je sais que tu le préfères au Coca. Tu vois, je te connais tellement bien. Si tu ne viens pas, je comprendrai. Tu n'entendras plus parler de moi. J'irai tâcher de noyer mon malheur dans une vie d'aventure, marin au long cours, agent secret, combattant d'élite à la Légion étrangère, ou peut-être pensionnaire au lycée Notre-Dame. D'autant plus que maman ne serait pas contre, vu leur pourcentage de réussite au bac. Ah, les parents, et leur vision étriquée de la vie. Je suis à toi, Guillaume. Lettre écrite le 18 septembre 1992, non envoyée. Mon amour, l'annonce de tes fiançailles avec Marc est venue raviver cette sourde douleur avec laquelle j'ai pris l'habitude de vivre. L'interruption brutale de mes études de psycho, ces filles qui me tombent dans les bras et dont j'oublie immédiatement le visage, cette manière que j'ai de brûler la vie intensément, tout cela n'est que de la poudre aux yeux. Un médiocre succès d'année au bonheur que j'ai raté. Je t'aime depuis toujours, depuis le premier jour. Ne prétends pas l'ignorer. Certains regards ne trompent pas. J'ai tenté d'exorciser mes démons en écrivant le roman de mon histoire, mais que m'importe la richesse et la célébrité. Papa a trouvé le manuscrit très bon et va l'éditer pour la rentrée littéraire. Alors que je ne t'ai pas toi. Aujourd'hui, je te demande de quitter Marc et la promesse d'un confort tranquille. C'est une folie, je le sais, mais peut-on vivre sans folie? Sois ma Courtney Love, je serai ton Kurt Cobain. Vendredi soir, je t'attendrai en bas de chez toi, dans ma nouvelle 205 Junior, avec les sièges en jeans. Rejoins-moi, je suis à toi, Guillaume. Lettre écrite le 20 mars 2010, non envoyée. Mon amour, tu m'as dit à ce dîner où nous nous sommes revus pour la première fois après plus de 15 ans que tu avais aimé mon dernier roman. Sans doute as-tu compris que ce quadragénaire, charismatique, aux multiples conquêtes, à la vie facile et médiatisée, qui ouvre brusquement les yeux sur la vacuité de son existence, n'était autre que moi, tout comme tu es le personnage de Clara, son premier amour. J'ai habilement changé les prénoms afin de préserver notre intimité. Nous tournons tous deux dans nos cages dorées. Toi, dans ta maison bourgeoise de Neuilly-sur-Seine, moi écumant les boîtes de nuit branchées aux bras de top modèles au plastique parfait, mais tellement superficiel. Nathalie, tes trois enfants et ton chirurgien esthétique de mari ne doivent pas être une entrave à ton bonheur. Tu connais maintenant l'adresse de mon pavillon à Montparnasse. Je l'ai mentionné plusieurs fois à ton attention. Je t'y attendrai tous les soirs. Téléphone quand même avant pour vérifier que je ne suis pas sortie. Je suis à toi, Guillaume. Lettre envoyée le 3 décembre 2027. Nathalie. Et j'ai reçu samedi cette lettre où tu me dis tout. Ton amour pour moi dès le premier regard, ton aventure adolescente avec Marc pour exister à mes yeux et dont tu n'as jamais su te sortir. Tu attendais de moi un geste qui n'est pas venu, mais comment pouvais-je t'arracher à mon meilleur ami? Ces années de sacrifice pour tes enfants, puis pour ton mari que tu as accompagné fidèlement jusqu'au bout. Ces années à prendre de mes nouvelles par les journaux, à jalouser de loin mes conquêtes. Cet espoir qui te saisit en retrouvant une liberté si durement acquise. Je suis infiniment touchée par ces révélations. Toutefois, ma compagne actuelle, l'ex-mannequin Ingrid Lindstrom, vient de tomber enceinte, à ma grande surprise. Ton exquise sensibilité comprendra donc que je ne peux la quitter en un moment aussi délicat. Je te souhaite tout le bonheur que tu mérites. Bien à toi, Guillaume.